Isaac la Bible. Et il est venu là-bas comme une poule mouillée. Il commence à lire les versets de la Bible. Il dit, oui, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix. Des terres pour la paix. Il faut donner les terres pour la paix. Il est allé trouver ça dans un verset. Pourquoi tu dois faire ça? Dans un temps où Dieu veut redonner à Israël tout son territoire. Et il a été assassiné. N'a pas fait l'enfer. Il faut garder la parole. Correctement garder la parole. N'ayez pas l'esprit de compromission. Soyez des terrains d'attente. Tu as déjà fait le mal et tu veux te consoler dans le mal. Par la foule de ton péché. Par le salaire du péché, c'est la mort. Êtes-vous là? Vous êtes là, non? Un autre premier ministre était ardent là comme un feu. Son nom même Ariel. Même mourir, c'était devenu une épreuve pour lui. Tellement il était chaud pour Israël. Prenez la défense des commandements de Dieu et Dieu vous défendra. Ariel Sharon était un batanguer. Ariel Sharon, général de son état. Qui avait combattu dans la guerre de 6 jours. Bien que Dieu il a défendu les principes fondateurs d'Israël. Abraham lui-même aimait aussi les hommes de principe. Pour l'affaire de compromis. En train de tout arrondir, de tout diriger. La parole de Dieu a bonne saveur. Nous avons tout notre plaisir dans le commandement de Dieu. Et dans les terres que Dieu les a écrits. Que Dieu bénisse les fervents croyants. Nous en voulons dans l'église comme ça nombreux. Il a mené les guerres, ça a mené les troubles à Jérusalem. Et il est tombé malade, il est resté en coma pendant plusieurs mois. Et même des années. Pourquoi? La Bible dit qu'il a des prix à tes yeux. Il a des prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Ça a des prix. Dieu ne délaisse pas ses fidèles. Ceux qui s'attachent à ses principes. Il les défend et les honore. Soyez courageux dans les combats. Ainsi, Israël a été dispersé et Israël a été rassemblé par Dieu lui-même. Et le fait qu'ils soient rassemblés, c'est un signe que nous sommes au temps de la fin. Pensez-y un moment. Jusqu'à ce que le temps des nations où les 7 heures de l'église soient accomplis. Maintenant, au moment où le président américain Truman a reconnu Israël de sa propre initiative en 1946 comme un État. Le quoi là, mon conjoint Truman, les 6 mai, la même nuit, l'ange du Seigneur est envoyé à William Branham, le messager du 7e âge de l'église, messager envoyé au dernier âge de l'église. Lui expliquait qu'il était envoyé par le Dieu Tout-Puissant comme porteur d'un don de guérison pour toutes les nations de la terre, tous les peuples de la terre. C'est le dernier grand ministère promis en l'église des nations qui est entré en scène. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Les âges de l'église sont en train de finir. Comme signe, Jérusalem revient à nouveau à Israël. Ce n'est plus les patrons des nations païennes. À l'instant où nous parlons ici, ce n'est plus les passoires des nations païennes. Quand tu comprends ce langage là, tu saisis par là qu'il n'y a plus de temps pour l'église des nations sur terre. Amen. Comme on les chante, les nations se développent, Israël travaille. Les jours de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes défaillent un peu. Sois rempli de l'esprit, ta lampe est éclairée. Regarde ta rédemption. Proche. Amen. Amen. Les nations se disent. Israël s'arrête. Les signes qu'elle est Les jours des nations comptés. Avec le réveil d'Israël, les jours des nations sont maintenant comptés. Nos années sont presque finies. Il n'y a plus de temps à prendre, frère. Nous n'avons que du temps à racheter. Dieu a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soit achevé, soit terminé, qu'il soit accompli. Mais maintenant où nous parlons, Jérusalem n'est plus foulée aux pieds. À l'instant où nous parlons, pendant que nous nous préparons au retour de Christ, Jérusalem n'est pas foulée aux pieds. Il y a une suspension dans les mouvements des nations. Le mouvement de sabotage. Parce que ça doit reprendre ce sabotage-là, selon Apocalypse 11, verset 2. Les nations auront à nouveau Jérusalem. Mais la trêve prophétique à laquelle nous assistons est destiné à préparer l'église pour l'enlèvement. Réveillez-vous du sommeil. Pendant qu'on en parle, il y a quelqu'un pour qui ça le dépasse. Il ne comprend pas de quoi nous parlons ici. Là. Mon cher ami, c'est l'une des choses qui doit réveiller ton âme. Jérusalem devait être foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que l'état des nations soit fini. Mais nous assistons maintenant à une trêve. Pour ce qui est de nombreuses nations en train de fouler Jérusalem, on n'a pas ça. Nous n'avons que les Arabes qui se retrouvent encore résistants comme des propriétaires de terres là-bas. Mais ils n'y sont pas à titre national comme une nation à part entière. Ils y sont à titre individuel. Ce sont des individus résistants là-bas. Ils allaient être il résiste à Jérusalem. Comme propriétaire de terre depuis des décennies. Et ils en seront délogés. Ça, une petite résistance comme ça, c'est ce que Dieu avait appelé comme des épines des Philistins dans les bottes d'Israël au temps de Josué. Amen. Et dans le plan stratégique spirituel, Dieu voulait maintenir ça pour qu'Israël continue à s'exercer au combat. Dieu ne change pas sa manière de faire. La même situation se répète là à Jérusalem. Mais que des nations nombreuses viennent envahir Jérusalem, on n'en est plus là. L'église doit se préparer pour la réforme. Car nous devons bientôt quitter la terre. Que l'évangile retourne aux Juifs. Que la lumière de l'évangile revienne à Israël. Que le message évangélique leur soit prêché. Êtes-vous prêt à entendre ça? Mais il est prêché par qui? Amen. Par des témoins. Revenons à Apocalypse. Ok. Le temple de Jérusalem doit être reconstruit. Nous l'avons vu dans Apocalypse 11, verset 1. Il sera mesuré, effectivement. Ce sera des mesures réelles sur cette terre. À Jérusalem. Maintenant le verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 40 mois. Voilà le pain que j'ai dit dans la temple. Dika yango, pima yango tu. J'aimerais vous aider ici. Alors, permettez-moi, je vais dans votre marge ici. Je fais une petite courbe du temps. Alors, nous mettons ici, nous sommes en l'an 2000 combien? Et nous ne savons pas combien de temps va s'écouler. Pour l'enlèvement de l'église. Au ciel. C'est des moments alors, ce n'est pas? Après l'enlèvement de l'église, il y aura un petit temps intermédiaire. Pour que le message passe, change de dispensation des nations vers les Israélites. Et après ça, l'on comptera une période de 7 ans. Subdivisé en deux parties. 3 ans et demi. Cela équivaut à 42 mois. Mais le tout sera 7 ans. Et ces 7 années ici, c'est ce qui s'appelle dans Daniel chapitre 9, la 70e semaine de Daniel. Et cette période prophétique sera divisée en deux moitiés égales. Mais la deuxième moitié connaîtra deux prolongations prophétiques. Avant que ne commence le règne de 1000 ans. Que nous situons ici. Et après le règne de 1000 ans, interviendra maintenant l'éternité que je mets en pointillé. Éternité. On ne comptera plus le temps. Nous serons dans l'éternité. Voilà la suite du programme. Il y a l'église qui doit d'abord être enlevée. Mais à un moment donné ici, c'était 1948. Où Israël est devenu une nation. Reconnue au sein de l'ONU. Et depuis lors, plusieurs années se sont succédées. Et différents événements préparatoires se produisent sur la terre. Alors, dans la période de 7 ans ici, de la 70e semaine de Daniel, Apocalypse 1. Verset 2. Concerne la deuxième moitié. De la 70e semaine de Daniel. Et ceci aura lieu après l'enlèvement de l'église. Après. Tandis qu'Apocalypse 11, verset 3, concerne la première moitié de la 70e semaine de Daniel. Les 40 mois mentionnés en Apocalypse 11, verset 3, concernent cette partie ici du début de la 70e semaine de Daniel. Tandis que les 42 mois mentionnés pour que les nations foulent à nouveau Jérusalem au pied, c'est la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel. Alors, la bataille d'Armageddon dont nous parlons, elle débutera au milieu de la 70e semaine de Daniel. Amen. Au milieu. Amen. À la jonction. Et pour ma yango, tu as un corbeau là, Armageddon. Et pour ma nissama, na kadikati, ya poche yango, tout le monde, na Daniel. Ceci me permet de vous dire, tant que nous, l'église, nous sommes sur la terre. Amen, amen. Parce que moi, je suis l'un des candidats qui sera enlevé. Amen. Tant que vous me voyez, amen. Comptez au minimum 3 ans et 6 mois pour que la bataille d'Armageddon commence. Elle ne peut pas commencer avant 3 ans et demi, pendant que moi, je suis ici. Est-ce que chacun peut retenir comme ça facilement? Amen. Tant qu'on m'a dit frère David Awa, à ce qu'on m'a dit, on s'est rassemblé. Tant qu'à Zawa, même à Tato Bagisi 5 ans, 10 ans, tant qu'à Zawa, non, on s'en levait-il. Bataille d'Armageddon est commandatée, peut aussi qu'elle a commandatée avant que Shimanaïe, 3 ans et demi, et qu'on s'en aille. Amen. Je ne parle pas d'une éventuelle mort physique. Voyez tout ça? C'est pas ça. Nous parlons de l'enlèvement au ciel. Et la mort n'est pas l'enlèvement. Ceux qui seront enlevés ne passent pas par la mort. Ceux des morts qui seront enlevés seront d'abord ressuscités. Avant d'être enlevés. Mais ceux qui sont enlevés vivants ne passent pas par la mort. Êtes-vous là? Que Dieu nous aide ici. Donc, la bataille d'Armageddon, même à, Poutine, Vladimir Poutine a nommé un général appelé Armageddon. Rien à voir avec l'Armageddon de la prophétie biblique. Rien à voir. Ça ne peut pas débuter pendant que David est ici sur la terre. Ça ne peut pas. D'ailleurs, je veux bloquer ça. Je vais le dire en termes plus simples. Comme je suis ici, je bloque ça. Bataille d'Armageddon ne peut pas commencer. Voilà. Et même les enfants de Godim à comprendre un peu plus simplement. Comme David est ici, sa présence sur terre bloque ça. Pas seulement lui, mais aussi ceux des élus, membres de l'Église du Seigneur. Leur présence sur terre bloque ça. Voilà. Ata pesi makoki na mukozi na yeye basoda, o babamba kombo ya makedon. Wana ne kombo na yeye na bitumango yote mugo na kache saliti. Alors, les nations fouleront au pied Jérusalem pendant cette bataille d'Armageddon. Ma bata ba konyata Jérusalem na tango ya bitumba oya Armageddon. C'est là que dans Zacharie 14, on l'a lu dimanche passé. Lorsque les pieds du Seigneur, l'Éternel des armées, ses pieds saints se poseront sur la montagne des Oliviers, la montagne s'effondrera en deux, et la moitié de la ville de Jérusalem sera prise. Prise par qui? Par les nations païennes, qui viendront sous la conduite d'Horus. Ils prendront la ville. La saboté. Frère David avec ses frères, les élus du Seigneur, qui seront enlevés, ne seront plus sur terre. Donc le blocage qui empêchait la bataille d'Armageddon ne sera plus. Maintenant, qu'est-ce qui pourra bloquer à notre place la bataille d'Armageddon? Ce sont les deux témoins d'Apocalypse 11, verset 3. Amen. Ils vont nous remplacer ici. Amen. Amen. Ce ne sera plus nous. Amen. Hein? Mm-hmm. Les deux témoins, les deux prophètes. Amen. Tant que leur ministère ne sera pas terminé, la bataille d'Armageddon ne pourra pas commencer. Amen. Ils deviendront le blocage ici. Amen. Il faudra d'abord que les 42 mois de leur prophétie se puissent. Amen. Amen. Alors, réalisons Apocalypse 11, verset 2, verset 3. Mais le parvis extérieur du temple donc, laisse-les de côté et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Voilà les 42 mois que j'ai mentionnés là-bas. Ça fait exactement 3 ans et 6 mois, si vous prenez chaque mois comme comptant, 30 jours, et chaque année comme comptant, 1260 jours. Oui. Non, 360 jours, chaque année. Pas 1260. Ok. Est-ce que 3 ans font 36 mois? 3 ans c'est 36 mois, non? Alors 36 mois plus la moitié d'une année, la moitié de 12 mois, c'est combien? 6 mois? 36 mois plus 6 mois, ça vous donne combien de mois? Exact. Mibu misatu sanza, tuku misatu na motoba. Usangisi na nambu na ngoya sanza motoba isalinde, tuku mine na mibale. Kotanga na bosa kuli ya mwani. Na mulema misatu ya mwani. Je donerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. Na kopesa batata ni nangai mibale nguya. Peba posa kore mikolo koto na mukama na mibale na tuku motoba. La colate en commun. Quand on me coque comme un mi-balai, tout comme un poba. 4, 120, 120, 6, 0, 2, 60. C'est le grand contact. Au moment où tu as un contact, comment on peut faire pareil. Et là, il y a un mot. D'un côté, il parle de 42 mois, de l'autre, il parle de 1260 jours. C'est la même durée du temps. Au moment où tu Voilà. Donc Dieu dit dans Apocalypse 11, verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sacs pendant 1260 jours. La raison pour laquelle le Seigneur nuance ici, c'est pour aider son croyant, son fidèle lecteur, à savoir qu'il s'agit de deux événements qui n'auront pas lieu en même temps. Mais c'est deux périodes de temps différentes. L'une est donnée à moi, l'autre en jour. Et le ministère prophétique de deux témoins n'aura pas lieu pendant la même période. Mais les deux choses auront la même durée. Mais ça n'aura pas lieu en même temps. Ce seront des choses successives. L'une commence jusqu'à s'achever. Et puis l'autre commence jusqu'à s'achever. Bien que le verset 2 d'Apocalypse 11 vient avant le verset 3, ce que vous mais dans l'accomplissement de cet événement, le verset 3 précède le verset 2. Amen. Vous venez dans la compréhension. Autant dit que le mal est mis à la vie. Ça, c'est la mathématique et la numérologie biblique. Numérologie des versets. Vous ne lisez pas ça comme un journal. Vous n'avez jamais lu d'abord le verset 2. Comment vous voulez me troubler avec le verset 3? Il s'agit d'une vision. Et les choses sont disposées telles que Dieu les dit. Mais la pensée cachée, c'est Dieu qui la tient. Et les passages sont reliés entre dans la Bible. De manière à ne créer ni contradiction ni confusion. Il y a la préséance des événements. Ceci conditionne cela. Les choses en son temps. Donc, il y a d'abord les deux témoins qui viennent revêtus de sacs. Et leur nature ministérielle est dévoilée dans l'Apocalypse. Pensons-nous à ça un petit moment. Oh. Écoutez, Apocalypse 11, verset 3 d'abord. Qui sont-ils? Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de quoi? Nous sont des prophètes. Prophétiser. Ce sont les deux témoins, mais qui doivent prophétiser. Ils les doivent prophétiser. Lisons un peu faible, Nami. Avant d'avancer. Dans le sermon, reconnaître votre jour et son message. Que le Seigneur nous aide ici à voir quelque chose de bien. Reconnaître votre jour et son message, prêcher le 1964. Et je prends le paragraphe 67 et 68, première partie. Souvenez-vous, les choses. Là, juste dans l'intervalle, il y a eu le sixième saut. Et là, les 144 000 ont été choisis et appelés. Et entre la sixième et la septième trompette, il y a Apocalypse 11 qui apparaît en plein là. qui concorde précisément avec le sixième son. Pour faire quoi? Ce qui devait faire quoi? Ce qui devait faire entrer en scène deux témoins. Et il donne leur nom que la Bible ne donne pas ouvertement. Moïse et Élie. Il ajoute ceci. Des prophètes. Des prophètes. Et les Juifs croient seulement les prophètes. Ils arriveront. Munis du signe des prophètes. Et leur œuvre sera celle des prophètes. Qui dans l'église va dire amen à ça? Je répète le paragraphe 68. Ce qui devait faire quoi? Ce qui devait faire entrer en scène deux témoins. Moïse et Élie. Des prophètes. Et les Juifs croient seulement leurs prophètes. Ça doit être des prophètes israélites. Moïse était un israélite. Élie était un israélite. Deux prophètes. Que feront-ils? Ils arriveront munis du signe des prophètes. Et leur œuvre sera celle des prophètes. Amen. Est-ce que vous arrivez à dire amen? Amen. Dès qu'on te dit Apocalypse 11, verset 3. Je dis, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Amen. Prophétiser. Amen. Si quelqu'un a le pouvoir de prophétiser, ce qu'il y a en lui, soit un don, soit un ministère prophétique. Amen. Et ils devront faire ça pendant 1260 jours, c'est-à-dire 40 mois. Autrement dit, 3 ans et demi, la moitié de 7 ans. Le pouvoir de prophétiser est donné à ceux qui ont en eux soit un don de prophétie, soit un ministère prophétique. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de quoi? De l'air. Prophétie. Oh, les jours de leur prophétie sont comptés. C'est combien? Le verset 3 a déjà tranché. 1260 jours. Dieu leur donne le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. Et ces 1260 jours-là équivalent au jour de leur prophétie. Et pendant ce jour de leur prophétie, ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Quelqu'un a-t-il déjà fait ça dans la Bible? Fermer le ciel pendant... Ouais. C'était qui? Élie. Oh, vous êtes des bons lecteurs de la Bible. Alors, ça donne la joie aux prédicateurs. Alléluia. Et Dieu vous bénisse pour ça. Exactement ça. Et lui, le Tishpit, là-bas, dans 1 Roi chapitre 17, verset 1 et 2. Et c'est levé là-bas, il a dit, il n'y aura ni goutte ni rosée, ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Pour la parole qu'il a proclamée avait bloqué toute pluie. Et nous trouvons ici dans Jacques chapitre 5 verset 17. Élie était un homme. Voilà. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre. Pendant combien de temps? Vous lisez dans votre Bible. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Pour que tu dises pas le prédicateur, il a inventé. Je n'invente rien. Combien de temps? 3 ans et 6 mois. Ça donne combien de mois? En comptant comme des mois. Et les 40 mois correspondent à combien de jours? Maintenant, de qui est-ce que Apocalypse 11, verset 3 et verset 6 ont-ils parlé? Verset 3, il a le pouvoir de prophétiser. Verset 6, il a le pouvoir de fermer le ciel pendant les jours de sa prophétie. Et les jours de sa prophétie, c'est 1260 jours. Ici, dans Apocalypse 11, mais il y en a eu déjà un qui a fait un exercice exactement pareil dans la Bible. Ouais, c'est pour ça, dans la même durée du temps. Et son nom est qui? Il est Élie. Un homme de la même nature que vous et moi. Il a fait ça pendant 3 ans et demi. Pas de pluie. Et pour que la pluie tombe, il fallait que lui intervienne encore. C'est ce que nous dit le verset 18 de Jacques chapitre 5. Puis il pria de nouveau et le ciel qui était fermé, et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alors, quand nous revenons à Apocalypse 11, verset 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de la prophétie. Et parce qu'on a mis au pluriel, et ils sont à deux, ce sont des témoins. Le premier, on l'a identifié. Par ce qu'il a fait, par l'œuvre de son ministère, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, le deuxième, et sous conjonction. On a décrit le premier. Le deuxième, c'est qui? Et ils ont le pouvoir. Le deuxième, il y a deux pouvoirs qui sont décrits ici. L'un ferme le ciel pendant les jours de la prophétie, et l'autre, quel pouvoir? Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. De qui s'agit-il ici? Mose. Oh, bon lecteur de la Bible, ça donne la joie au prédicateur. Mose. C'est vrai? Bazali pena nguya na kobongola kamai na makila. Pena kobola kabokili na bolozi mbala na mbala na tango elingi bango. Le premier pouvoir, c'est fermer le ciel. Pendant 3 ans et demi. Pendant 1260 jours. Pendant 40 mois. Ah, c'est typiquement Élie. Frère Branham, notre précieux frère Branham n'a pas tâtonné, n'a pas tapé à côté quand il a dit Moïse et Élie. C'est biblique cette révélation. Le deuxième pouvoir, c'est changer les eaux en sang. Dites-moi dans toute la Bible qui a fait ça. Mais Moïse seul lisait tout l'Ancien Testament. Qui est celui-là qui avait changé les eaux ensemble? Moïse seul en Égypte. Dans Exode, vous avez l'histoire. Donc, Exode, vous prenez le chapitre 7 jusqu'au chapitre 9. Et même aller jusqu'au chapitre 11. Les différentes plaies dont il est parlé. Mais c'est le ministère de Moïse qui a frappé les gens de plaie. Les égyptiens ont tué pour ça. Voilà les deux pouvoirs. Les deux pouvoirs, chacun avec son pouvoir. Mais ils sont mis ensemble là au verset 6. Et il est parlé des jours de leur prophétie. Les jours pendant lesquels ils exercent leur ministère, leur œuvre de prophète. Maintenant, pour combler la révélation, et vivre vraiment les coups qu'il s'agit des prophètes, l'écriture dit au verset 10, et à cause d'eux, quand on les aura mis à mort, à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront de présents les uns aux autres. Pourquoi? Parce que c'est de qui? Oh. D'abord, pouvoir de prophétiser, ensuite les jours de leur prophétie, enfin, c'est de prophètes! Ce n'est pas qu'un don de prophétie, mais il s'agit de deux ministères de prophètes. Bakokabana makabu. Mpoete basakoli. Basakoli le moni balé, batumolaki bavani na mokili. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Pouete basakoli ni balé, batumisaki bavani na mokili. Comment ça? Au verset 6, on a lu la deuxième partie. Ils ont le pouvoir de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Alors la terre va souffler quand elle apprendra l'air mort. Et il y aura même une interdiction de délivrer le permis d'inhumation. Interdiction d'enterrer ces deux hommes-là. C'est ce que l'Écriture dit. Elle dit qu'on ne permettra pas qu'ils soient enterrés. Le verset 9. Des hommes d'entre le peuple, les tribus et les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Le permis d'inhumation. Vous savez que ce sont les autorités civiles qui délivrent ça. Avant qu'on enterre un mort, vous devez exhiber ces documents dans les cimetières. Quand il n'y en a pas, on refoule le cadavre. Ou bien vous restez là-bas jusqu'à ce qu'un délégué amène les documents. Ce qui vient de cœur est bien pour la bokunda. C'est vrai que c'est bien, nous avons tout le cassa, il y a colombette, mais personne ne nous a dit beaucoup de ce qui est réalité. Maintenant, à ce moment-là, ces deux prophètes, après qu'ils ont été mis à mort, on ne voudra même pas les mettre dans une morgue. C'est l'humiliation universelle décrétée contre les deux témoins que Dieu aura établis. Or, Dieu honore ceux qui honorent ses serviteurs. Mais si toute l'humanité peut devenir inanime à ce point, les habitants de la terre, à ce moment-là, moi je ne serai pas l'un d'eux. Je ne serai pas compté parmi les habitants de la terre. Et ne sera pas compté parmi les habitants de la terre à ce moment-là. Vous serez avec moi au ciel. Les habitants de la terre, ce seront ceux qui auront raté l'enlèvement. Ceux qui aiment faire le mariage mixte aujourd'hui qui nous donnent le cachet. Oh, ben, Livrez-vous au plaisir mondain. Donnez de la peine aux serviteurs de Dieu. C'est votre temps, votre mission que vous êtes. Quand Dieu nous récompensera, vous vous connaîtrez votre sort. Moi, je trouve mon grand plaisir dans le commandement de Dieu. Je ne peux pas avoir la paix en dehors de la parole. Tenons-nous à cet évangile, frère. Un homme dit que si vous vous mariez, n'épousez pas quelqu'un qui ne soit pas exactement ce que vous croyez. Mais si vous mariez, vous faites quoi que ce soit, mais contraire à la parole de Dieu, vous serez à payer pour cela. Vous aurez à payer pour ça. Vous dites que la solution, c'est de se repentir et quitter ce contrat. Vous devez quitter ce mariage fixe. Tu veux plaire aux gens de la famille et tu ne crains pas Dieu? Qu'est-ce que Dieu dira? Qu'est-ce que Dieu fera? Je m'en fous de ce que les gens diront. Un chrétien cherche à plaire à Dieu. Attends-moi là. Vous devez le faire. Payez-le pour ça ici-bas. Tu ne seras pas épargné. Le Brenham dit qu'un mariage mixte comme cela n'est jamais heureux. C'est bonheur que tu cherches, hein? Et c'est tu l'auras pas. Dans le mariage mixte, tu l'auras pas. Le mariage mixte, tu l'auras pas. Dieu te châtiera. C'est pas un mariage prospère. Ça doit rester amen pour toujours. Tu veux maintenant que je ne suis pas là. Cas particulier. La parole parle, tout le monde doit entendre. On est dans mon fils du diable, on est dans mon fils du diable, on est dans mon fils du diable, on est dans mon fils du diable, on est Nous serons là, on peut, oui, c'est vrai, mais écoutez, Dieu reste Dieu. Vous payez-les pour ça. Pendant les jours qui vous restent à vivre sur terre. Pour commencer, ne faites pas le péché. Ne faites pas le mal. Ne soyez pas tentés. Ayez le courage de dire non. Sauvez votre peau. Ainsi, la vocation de rien, il est l'eau, et puis vous pensez que Dieu, il va changer la vie, il va pas changer sa volonté. Quand il a dit non. Ce que l'habité était, tendez, faire que ceci ne vous fatigue pas. La qualité de l'eau, il est bon. D'ailleurs, tout le temps est ici. Vous voyez? C'est pour vous édifier que je suis ici. Êtes-vous là? Mais c'est dans l'amour que nous vous disons la vérité. Moi, je n'ai pas de mauvaises intentions. Je vous aime. Amen. Et quand le danger vient, je dois vous aviser. Un mariage mixte n'est jamais prospère. Il n'est jamais heureux. Il y aura toujours les épines dedans. Les choses qui vous feront dégoûter la vie. Mais Dieu réserve du bien à ses enfants. Pour aujourd'hui, je me pose ici. C'est venu de vous là. J'ai saisi ça ici. C'est pour vous servir que nous sommes ici. Nous allons continuer en semaine, Dieu voulant. D'accord? Comme ça, il y a 5 wana à qui nous avons fait la sikoyo. Donc, on a dit que vous sortirez dans la joie. Dieu nous l'a dit ce matin, vous sortirez dans la joie, vous serez conduits dans la paix. Donc tout le monde se réjouit maintenant, nous allons sortir, que Dieu vous console d'une manière ou d'une autre. Prenons debout pour la prière. L'amour de Dieu, amen. Il va plus loin que la plus haute étoile, il atteint le plus bas d'enfer au coupable. prions chacun maintenant. Le bon de la vie sur mon sens. Thank you. vivre mieux encore. Sinon plus près de Dieu. Où y a-t-il du bonheur? Dans sa présence. Le monde est décevant. Le monde est séduit. Il gît sous la puissance du malin. Heureux ceux qui se réfugient dans le Seigneur. Heureux ceux qui choisissent de marcher dans la grâce de Dieu. Heureux ceux qui trouvent un grand plaisir dans les commandements du Seigneur. Si quelqu'un même a dit Jésus, il garderait ma parole. Et mon Père l'aimera. Moi et le Père, nous viendrons chez lui. Établir notre demeure chez lui. Qu'il en soit ainsi pour le fidèle. C'est un bon mon frère, c'est un bon ma soeur. Qui porte les moqueries de la famille. Les incroyants, des amis et connaissants. Laisse-les se moquer, mais Dieu est pour nous. Prions. Notre Père Céleste et Dieu Tout-Puissant, nous avons foi dans tes promesses. Confiance totale dans la parole écrite. En elle, il y a la puissance et l'efficacité. Elle est la vérité éternelle du Dieu vivant qui soutient notre voyage et nos vies de tous les jours. Pour toi, Jésus, nous nous appuyons. Tu es le rocher des âges. Tu es le roc séculaire. Tu es le rocher le plus dur et le plus solide. Du qu'elle peut jaillir de l'eau pour étancher notre soif. Exauce nos prières. En toi il y a la puissance qui empêche la mort. En toi il y a le bouclier qui donne la sécurité. En toi il y a l'onction qui donne la joie. Même la joie de vivre. Console nos cœurs. Bande nos plaies. Guéris nos maladies. Résous tous nos problèmes. Que ta joie se reflète sur nos visages. Et que ta paix envahisse nos cœurs. Dans toutes les situations de la vie, nous voulons voir ta gloire. Celle que nous avons puisée ici, dans le seuil de ta maison. Et où ta gloire se manifeste. Nous sommes venus puiser. Nous résous. Nous rafraîchis et nous repartons joyeux. Nous repartons en paix. Nous repartons consolés, rassurés et bénis par le nom du Dieu d'Israël. Prends soin de chacun jusqu'à nous revoir. Si pas ici sur terre, là où dans la gloire, au nom de Jésus-Christ, Dieu te l'amène. Nous prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Et là, que Dieu vous bénisse richement. Il y a une question qui a été posée en accord avec la prédication. Pasteur, quel serait le sort de ceux qui croiront à ces deux témoins, car ces deux témoins exercent leur prophétie après l'enlèvement. Nini et pourquoi la baoe ma condima, Namata Toli Abatatoli Nibale, Pouete, Bango Bakote Kande Nasima na Konetolabu. Pour ceux des nations, les portes de grâce auront été fermées. Il y a mes élèves qu'on a battu nous sur Oyo Yamukimobimbo Bengani Batuna Mabota. Mais les témoins iront d'abord écoutez à Israël. Sont destinés à Israël. Ce seront les Juifs d'abord et particulièrement les 144 000 qui croiront leur ministère et recevront le sceau du Saint-Esprit. Voilà en bref pour répondre à cette question.